qui suis-je? Qui suis-je devenu? C'est comme si j'avais tout perdu depuis que t'es parti. Ma direction, le sens de ma vie, ma joie, mon insouciance, le sommeil et l'appétit. Il ne me reste que ma colère contre ce monde. Je suis debout et...